Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Les six jours de la création. Netteté du langage de Moïse, sens du mot jour, comme quoi il signifie époque, preuves empruntées aux auteurs profanes, autres preuves empruntées au texte même de la Bible, Saint Augustin, Bossuet, Cuvier. Voilà donc ce qu'on pourrait appeler le « gros œuvre » de la création terminée. La matière existe. À quelle époque la matière a-t-elle ainsi pris naissance? Quelle a été la durée de son état rudimentaire? La Bible est complètement muette à cet égard. La science ne possède non plus aucune donnée qui puisse suppléer à son silence. Toute cette partie de l'histoire du monde se perd donc, on peut le dire, dans la nuit des temps. Il n'en est pas de même pour celle qui y fait suite et qui a trait à l'organisation de l'univers. Le langage de Moïse devient au contraire très explicite et très net. Voici comment il s'exprime. Or Dieu dit, que la lumière soit faite, et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne et sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir au matin se fit le premier jour. Ainsi parle Moïse, et il continue de diviser ainsi la création par série de périodes dont il énumère les opérations, périodes qu'il désigne chacune par l'épithète de jour, ce qui forme un total de 6, Dieu s'étant reposé le septième. Il était impossible, ce semble, de s'exprimer en termes plus intelligibles et plus précis. Sans doute, seulement quel sens faut-il attacher au mot « jour » Là est la grosse difficulté. Il est de fait que, si on devait entendre par là des jours ordinaires de 24 heures, l'accord que nous venons de signaler entre la genèse et la géologie paraîtrait impossible à établir, car tout démontre que les intervalles de temps qui séparèrent ces diverses créations ont dû être considérables. Mais telle n'a pas été la pensée de Moïse, telle n'a pas été non plus son langage. Qu'on me permette à ce propos une réflexion. Le style de la Bible, nous en avons déjà fait la remarque, n'est pas celui d'un manuel de cosmographie ou de zoologie, c'est une sorte de chant primitif, de psaume patriarcal. Il serait donc déraisonnable de ne voir dans ces métaphores que le sens textuel et prosaïque, comme on le ferait pour un traité moderne de physique, de chimie ou d'histoire naturelle. Les savants qui réprouvent, au nom de la science, cette poésie sacrée, oublient, pour me servir des paroles d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, que l'inné, sans cesser jamais d'être exact et concis, variait son style depuis la précision austère de la formule jusqu'à cette haute poésie dont la Genèse nous offre les plus sublimes modèles. Cherchons donc, dans le langage figuré de Moïse, quelle peut être sa pensée vraie. Nul doute que Moïse ait donné au mot « jour » le sens indéfini d'époque, et désigné par soir et matin les deux termes d'une période. Cette signification attribuée au mot jour se comprend d'autant mieux qu'elle était et qu'elle est encore familière à tous les peuples de l'Orient. C'est ce qu'avait remarqué Bailly. Chez les Orientaux, dit-il, le mot que nous rendons par « jour » a une signification primitive que donne exactement le terme chaldéen « sar »,« révolution ». Notons également que, chez les auteurs latins profanes, le mot « jour » est employé comme synonyme de « durée » et de « succession de temps ». Cicéron, Différer le châtiment. Longa dies, Virgile. Longior dies, Ovide, la suite des siècles. Turpilius, le temps a calmé cet amour, etc. Rapprochez ces termes de ceux par lesquels Moïse achève son récit. Telles sont les générations ainsi créées du ciel et de la terre, au jour où Dieu les a faits, et vous verrez que le mot « jour » est pris par l'historien sacré absolument dans le même sens. Mais je vais plus loin. Ce serait renverser le texte même de la Genèse que de limiter le mot « jour » aux 24 heures d'un jour ordinaire. La démonstration en est facile. C'est le premier jour que Dieu crée la lumière, et c'est le quatrième seulement que les astres sont formés, afin, dit le texte, qu'ils séparent le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes pour marquer les temps et les saisons, les jours et les années. Les trois premiers jours n'étaient donc pas de ces jours ayant leur séparation d'avec la nuit, puisque les astres qui font ces divisions n'existaient pas encore. Il est donc impossible, pour ces trois premiers jours, de prendre à la lettre les mots. Et du soir au matin se fit le premier jour. Et alors comment les entendre autrement que dans le sens du mot époque, ou, comme dit Moïse, du mot génération? Mais, si l'on est forcé d'entendre ainsi les trois jours du début, on ne peut échapper à la conclusion qu'il doit en être de même pour les trois jours de la fin, puisque Moïse se sert pour tous les six, à mesure qu'il les énumère, de termes parfaitement identiques. Il ne saurait donc être question, pour aucun de ces six jours, de jours ordinaires, mais bien de six époques d'une durée quelconque. Telle est l'opinion professée aujourd'hui par la très grande majorité des naturalistes. Il n'est du reste aucun point du récit de Moïse qui, même parmi les croyants, ait provoqué, de tout temps, plus d'interprétations et de commentaires. Saint Augustin avoue franchement qu'il lui semble bien difficile, sinon impossible, d'imaginer, à plus forte raison de dire, ce qu'avaient été les six jours de la création. C'est une chimère de s'imaginer qu'il y ait eu avant le monde des temps infinis où Dieu soit demeuré sans rien faire, puisqu'il n'y a point de temps avant le monde. Confère, Cité de Dieu livre 11, Origine des deux cités, chapitre 6, Le monde et le temps ont été créés ensemble. Il est vrai que, depuis Saint Augustin, la science a marché. Ainsi déjà Bossuet a pu dire, Dieu, après avoir fait d'abord, comme le fond du monde, en a voulu faire l'ornement avec six différents progrès qu'il lui a plu d'appeler six jours. Note. Saint Augustin, cet esprit si judicieux et si profond, disait que ce qu'il redoutait par-dessus tout, c'était les fidèles imprudents qui déraisonnaient sur la physique, puis invoquaient l'autorité de la Bible pour appuyer leurs erreurs. Il faut, disait-il encore, se tenir à la fois en garde contre la séduisante loquacité d'une fausse philosophie, et la timidité superstitieuse d'une fausse religion. Confère, de la Genèse au sens littéral livre 1er, Création primitive chapitre 21, numéro 41. Avantage d'un commentaire qui exclut toute proposition hasardée. Gardons-nous tout ensemble des sophismes d'une philosophie verbeuse, et des terreurs superstitieuses d'une fausse religion. Mais c'est à Cuvier que revient l'honneur, l'immense honneur, d'avoir donné la solution définitive du problème, en spécifiant parfaitement l'ordre et la succession de chaque époque dans son admirable discours sur les révolutions du globe. Maintenant que nous voilà suffisamment renseignés sur le sens véritable du mot jour, Nous allons exposer les diverses autres phases de la création d'après l'ordre suivi par Moïse. Markandanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.